je suis passée chez Thibaut cette semaine et vous savez ce que j'ai vu? Une affiche de Trump. Ouais. Présenté comme ça. Non, non, j'ai juste vu qu'il avait des nouveaux meubles, c'est tout. Eh oui. Cette semaine, j'ai fait un tour chez Ikea. J'ai acheté de nouveaux meubles et j'en suis pas peu fier. Hein. Vous connaissez Ikea? Oui. Alors, il faut savoir que Ikea, c'est devenu la sortie du dimanche. Hein. Les gens se baladent avec trois poussettes et leurs mioches. Hein, et après, ils emmerdent tout le monde dans les allées. Ah, je vois bien le papa en fin de matinée dire « Les enfants, mettez vos baskets. On va pas voir papy et mamie comme tous ces gros bofs. On va chez Ikea. » Je me suis pas foutu de votre gueule. Hein. Ikea, tu peux y rester toute la journée. Hein, parce qu'il y a un restaurant. Et ouais, la première fois que je suis rentré dans un Ikea, j'étais étonné qu'il y ait un resto. Hein. Alors, je sais pas ce qu'on mange, par contre. Hein. Sûrement des invendus de commode, je sais pas. Mais non. Mais on y mange hyper bien. Ou des ABBA, le groupe ABBA. Oh là là. Non, c'était pas ma meilleure blague, c'était une blague en kit. J'ai dû me tromper quelque part en la racontant. Oui, parce qu'en Suède, il y a deux trucs connus, hein, Ikea et ABBA. Et ce qui est bien chez Ikea, c'est que tu peux toucher à tout. Tu mesures tout, t'ouvres les meubles, les tiroirs, tu t'assois et tu mets tes pieds sur les canapés les plus chers. Tu t'en fous, t'es pas chez toi. T'achèterais tout chez Ikea. Bon, par contre, le bâton merdeux, c'est qu'il faut monter soi-même les meubles, hein. Les miens, je les ai montés deux fois. Oui, la première fois, c'était au quatrième étage. J'ai monté Yindisfrut. C'est un meuble, hein, pas une prostituée suédoise. Alors, souvent, un meuble Ikea, il est très bien monté au début et sur la fin, ça part en couille. C'est marrant, ma meuf me dit souvent ça aussi. Au début, t'es motivé, tu veux bien faire, t'es très scolaire. Mais quand ça t'a bien agacé, tu passes du schéma 12 au schéma 18. Parce que oui, ça va t'agacer. Et en plus, t'es de mauvaise foi quand tu montes un meuble. Hein. 99% des gens vont dire « Et voilà, il manque une vis. Merci Ikea, c'est toujours pareil avec eux. » Ah ben non, c'est bon, elle est là. Elle était sous les cartons. T'es de mauvaise foi parce qu'il est 21h30. Sur la notice, ils disent qu'il faut 1h30 de montage. J'ai attaqué à 14h. 14h, 21h30. Oui, ils se sont foutus de ma gueule. Et la prochaine fois que vous regardez bien la notice, sur le dessin, c'est toujours le mec qui bosse et la femme qui aide en tenant les éléments. Non, c'est vachement misogyne, hein. Mais putain. Ou réaliste, je ne sais pas. Voilà. Voilà. J'arrive à la fin de ma chronique, hein, j'ai rien trouvé de plus pour la meubler. Très bien. T'as compris? Meublé. Ah. Oui, j'ai trouvé ce jeu de mots chez Jean-Paul Dixkea. Ah. Voilà, alors maintenant, celui qui n'est pas content, je le démonte. Ah, bravo.